Document 3. Communiqué de la SNCF à la presse. La catastrophe a été évitée de justesse. L'obstacle a été signalé par radar. Tous les cirques ont été contactés. L'éléphant a été évacué dans un camion. Aucun passager n'a été grièvement blessé. Le trafic a été perturbé pendant plus de 2 heures. Les voyageurs ont été indemnisés.